Chouchou! Salut! Ça fait longtemps que vous êtes pas emmerdé. Je comprends pas pourquoi ma voix se bat à la parole. Ok. Bye bye. Chouchou. Bisous. Les os. Kiss. Hug. Bisous. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.